Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Épisode 15. Les 7 principes du national-nucléarisme. Au cours de l'hiver 2015, nous avons rencontré Thierry et Nadine Ribaud. Ils ont écrit ensemble « Les sanctuaires de l'abîme », paru en 2012. Ils y décrivent la vie des Japonais au lendemain du 11 mars 2011. Ils analysent la gestion de la catastrophe de la centrale de Fukushima Daiichi à la lumière d'une critique de la société industrielle. Depuis 4 ans, ils apportent critique et informations sur la gestion de la crise nucléaire que connaît le Japon. Pour cet épisode, Thierry Ribaud expose ce qu'il nomme les 7 principes du national-nucléarisme et revient sur la notion de co-gestion de la catastrophe. Il me semble intéressant d'aborder, c'est du côté des gens qui défendent de manière éperdue le nucléaire, et je parle ici du nucléaire civil, dit civil, c'est la dimension idéologique de ce qui fonde la société nucléaire, et donc de voir autour de quels grands principes l'idéologie nucléariste s'articule. C'est une espèce d'outil dont les défenseurs en profondeur du nucléaire font usage et auxquels ils appellent les populations à se soumettre. Il me semble que cette idéologie s'articule autour de deux grandes idées. C'est d'une part une forme de déréalisation de la perception du monde, et d'autre part aussi, c'est une idéologie qui fait le choix, quand elle le juge nécessaire en tout cas, d'annihiler la vie au nom de l'intérêt national et de déposséder les individus de leur propre existence et de leur liberté, tout ça au nom d'un supposé intérêt collectif qui sert de paravent à des intérêts industriels supérieurs. Pour ce faire, cette idéologie légitime et organise la coexistence d'une technologie des plus avancées, celle du nucléaire en l'occurrence, avec une forme de régression de la conscience. Je qualifie en fait cette idéologie de national-nucléariste ou national-nucléarisme, et nous allons essayer d'expliquer pourquoi. Peut au moins apporter sept grands principes qui constituent cette idéologie nationale nucléariste. Je serai très bref sur les 3 premiers et je serai un peu plus long sur les 4 autres. Le premier de ces principes, c'est de rendre tous les risques acceptables. On l'a vu notamment, bien sûr, dans le contexte de l'accident de la centrale de Fukushima, en fixant arbitrairement et politiquement le seuil de retour des populations dans les zones contaminées à 20 millisieverts par an, les administrateurs du désastre de Fukushima confirment ce que la catastrophe de Tchernobyl avait déjà permis d'établir, à savoir que tous les risques sont finalement acceptables lorsque l'on fait en sorte de ne pas laisser à ceux qui les prennent la possibilité de les refuser. Ça, c'est le premier principe. Le second principe consiste à nier les effets sanitaires de l'irradiation. Pour ce faire, les avancées scientifiques qui ont établi dans le passé l'existence de relations entre l'irradiation et les cancers sont systématiquement écartées et on retombe ainsi dans le doute, là où l'on avait en réalité des certitudes. Autrement dit, On peut dire qu'on assiste à une fabrication de l'ignorance. Ainsi, prétendre, comme c'est le cas actuellement dans le cas de la catastrophe de Fukushima, que l'on ne connaît pas les effets des doses dites faibles sur les risques de cancer, est tout simplement une contre-vérité scientifique, puisque de nombreux travaux, y compris d'ailleurs des travaux japonais, montrent bien que les risques de cancer existent au-delà de 0 millisievert. En conclusion sur ce second principe, empêcher la connaissance des souffrances qu'il engendre, tel est bien l'un des objectifs avoués du national-nucléarisme. Le troisième grand principe, c'est ce que l'on peut appeler la mise en place de ce que moi j'appelle une science d'ascenseur. Il s'agit en fait d'une science qui est fondée sur les renvois successifs entre ses protagonistes, avec pour principale visée l'accès optimisé à de non moins ascendantes carrières. Je m'explique. Loin d'être une science devenue folle, contrairement à ce qu'on a souvent tendance à dire, la science d'ascenseur est une force politique qui profite du fait qu'un certain discrédit est jeté sur l'État, sur les médias et sur les scientifiques eux-mêmes, pour finalement mieux exalter les experts patentés et ceux qui les financent. Donc ce n'est pas tant une science qui est en conflit d'intérêts, comme on entend souvent, mais en confluence, voire en identité d'intérêt avec ceux qui l'actionnent. C'est donc une science au service de la fausse conscience du national-nucléarisme. Le quatrième principe consiste à faire de chacun le cogestionnaire de l'administration du désastre et le responsable de sa propre contamination. Les experts appellent chacun et chacune à prendre part à ce qu'ils appellent une certaine culture pratique radiologique, et donc de ce fait à se faire acteur de sa propre protection. C'est l'ambition de nombreuses initiatives dites citoyennes, notamment par exemple cette initiative qui est appelée Ethos à Fukushima, qui est une initiative qui, sous l'égide de la Commission internationale de protection radiologique, la CIPR, et de ses dialogues, et dans le pacte de l'ignorance auquel elle propose de souscrire au nom du primat de la vie quotidienne, demande en fait à la population de devenir partie prenante de son irradiation, le tout dans un espèce d'élan populiste qui est nourri de responsabilisation et de ce que les experts appellent l'empowerment, c'est-à-dire finalement la prise de pouvoir. On connaît la liturgie de ce programme car elle repose sur des idées que l'on a déjà ressassées, que l'on a déjà vues paraître à Tchernobyl. Ainsi, un des responsables de cette initiative affirme « L'essentiel, c'est d'optimiser les doses ». Il affirme encore « On ne va pas évacuer contre leur gré des centaines de milliers de personnes pour les protéger d'un risque minime. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes vont être exposées en moyenne à 20 millisieverts. Seul un petit nombre dépassera ce chiffre », nous dit cet expert. Nous pouvons en conclure donc qu'il revient à chacun de connaître les bonnes prières à dire pour ne pas se trouver parmi le petit nombre en question. Ainsi, on voit que dans cette idée de cogestion de l'administration du désastre, à Fukushima comme ailleurs, la question centrale, c'est comment maintenir la vie dans des conditions décentes? Et la réponse qui est apportée à cette question, c'est, eh bien, par des actions d'autoprotection. Il s'agit bien d'instituer une banalisation cognitive autant que physique de la radiation. Il s'agit également de produire une forme d'affirmation naïve de la raison subjective en pure parodie de la démocratie dite participative, dans laquelle on en vient à faire des victimes d'une avarie nucléaire de niveau 7 les parties prenantes de leur mort probable au nom de la quête d'une improbable harmonie. En résumé, mourir peut-être, mais responsable, uni et serein, telle est la philosophie de cette cogestion de l'administration du désastre à Fukushima. En droite ligne de cette mise en auto-expérimentation qui est planifiée et qui n'est rien d'autre finalement qu'un conditionnement par la mort, et constatant que les mesures aériennes de radioactivité effectuées par les pouvoirs publics aboutissent à des résultats supérieurs à ceux fournis par les compteurs Geiger des habitants, On voit donc l'autorité japonaise de régulation nucléaire appeler désormais les populations à faire leurs propres mesures. Des dosimètres permettant de corréler les déplacements quotidiens aux doses reçues sont distribués. Chacun peut ainsi prendre des décisions relatives à sa réduction de doses et à sa gestion sanitaire, procurant accessoirement aux autorités un accès direct et individualisé aux données collectées. Seront mobilisés pour ce faire des, je cite, communicateurs chargés d'expliquer aux habitants l'acceptabilité des seuils de radiation dans le but de mettre fin à leurs inquiétudes. Fin de citation. Donc, en conclusion sur cette cogestion, on voit bien que en confiant l'administration du désastre à Fukushima à ceux qui en subissent le plus directement les conséquences, l'autogestion dans une situation où les autorités publiques et les experts restent les maîtres, autrement dit, ce principe qui consiste à rendre coupable celui qui souffre, garantit une circulation efficace des injonctions et des ordres jusqu'à leur destinataire, tout en nourrissant chez eux une espèce d'illusion de participation qui fonde le refoulement de leur soumission. Le cinquième grand principe du national-nuclearisme, c'est celui qui consiste à faire de la technologie nucléaire une force sociale qui serait plus puissante que l'aspiration à la liberté. Ainsi, la soumission au nom de la sécurité de tous à l'ordre nucléaire est d'autant plus préférable à la liberté qu'elle est indiscutable et vice-versa. Nous pouvons en donner une illustration patente. Il s'agit notamment de la pulsion liberticide du national-nucléarisme qui s'affirme lors de l'adoption récente, en décembre 2013, de la loi de protection du secret spécial d'État. Cette loi autorise l'extension du délai d'inaccessibilité de tout type d'informations internes au gouvernement relatives à la sécurité nationale au-delà de 60 ans, tout contrevenant étant passible d'une peine de 5 à 10 ans de prison. En cas de procès, le gouvernement peut donc fonder son accusation sur des preuves indirectes, se donnant ainsi la possibilité de juger les prévenus sans qu'ils aient connaissance du délit dont ils sont accusés. Selon cette loi, en voie d'être complétée par un autre dispositif permettant de punir les infractions de conspiration, contre laquelle ont eu lieu de nombreuses manifestations qualifiées d'actes de terrorisme par le Parti libéral démocrate japonais, tout élément relatif à la sûreté des centrales nucléaires et aux conséquences d'un accident sur les populations relève désormais de la diplomatie étrangère, de l'anti-espionnage et de la lutte anti-terrorisme. Se voulant rassurant, toutefois, le gouvernement japonais envisage de se laisser la possibilité de déclassifier en urgence les informations qui seraient utiles à la population en cas de catastrophe. Une telle marge de manœuvre est toutefois d'autant plus illusoire que, selon une étude récente, il est pratiquement impossible pour l'ensemble des habitants vivant près d'une centrale nucléaire au Japon d'évacuer suffisamment rapidement pour éviter l'exposition au rayonnement suite à un accident. Ainsi, cette étude montre que 5 jours et demi seraient nécessaires pour évacuer le million de personnes qui vivent dans un rayon de 30 km autour de la centrale de Tokai, qui est située à 110 km de Tokyo, dans le département d'Ibaraki, et il faudrait 6 jours pour évacuer les 740 000 personnes vivant à proximité de la centrale de Hamaoka, située à 200 km de Tokyo, dans le département de Shizuoka. On voit donc bien que, d'une part par sa militarisation fatale, par son chantage sécuritaire et son administration discrétionnaire de l'oubli, le national-nucléarisme ne se contente pas de restreindre la liberté. Il attise en quelque sorte la peur que les gens peuvent avoir envers la liberté, au point qu'il la stigmatise et la fuit. Dans le même élan, le national-nucléarisme démocratise une forme de liberté utile qui sert à compenser le renforcement du gouvernement qui la permet et les institutions qui la dispensent et l'organisent. Le sixième principe du national-nucléarisme repose sur la nécessité de travailler à ce que l'on peut appeler la grande inversion du désastre en remède. De manière brève, on peut dire que quand on présente le nucléaire non plus comme la cause des désastres qu'il engendre, mais comme le remède à ces désastres, on opère une grande inversion. Ainsi, on attend des gens concernés qu'ils soient des contaminés satisfaits. On en a un exemple patent avec cette affirmation de Shinichi Niwa, qui est donc un responsable du volet psychiatrique de l'enquête de gestion sanitaire qui a lieu à Fukushima, depuis la catastrophe, et qui rappelle, je cite, que « les gens peuvent se sentir en sécurité lorsqu'ils exécutent eux-mêmes les travaux de décontamination plutôt que de les laisser faire par d'autres ». Fin de citation. On voit bien que ce responsable scientifique invite chacun à s'introjecter l'agression, à vivre la décontamination librement, comme si elle était sa propre vie. Et ainsi, à administrer le désastre comme on administre un médicament. Le même décontaminothérapeute poursuit, je cite, « Il est très important pour calmer la peur d'être exposé aux radiations ». Fin de citation. On voit donc bien que l'homme fort, qui paye sa force d'un plus grand éloignement de la nature, doit être éternellement interdit d'avoir de l'angoisse. En retournant le sens même de la catastrophe et en la confondant avec le risque maximum, qui devient l'objet de toutes les tentatives de maîtrise, un tel gouvernement par la peur, et par la confiscation de la peur finalement, anéantit la liberté d'avoir peur, qui renvoie pour une population à la capacité d'éprouver cette peur à la mesure du danger qui pèse sur elle, de ressentir l'angoisse qu'il faut ressentir pour parvenir à s'éloigner de ce danger, pour se mettre à l'abri et pour se libérer. Le septième principe du national-nucléarisme consiste à nier l'homme en tant qu'homme. Je pense que le national-nucléarisme est une idéologie qui marque une étape dans l'histoire industrielle. Histoire industrielle qui continue son cours. Et cette étape consiste à nier l'homme en tant qu'homme. En effet, le national-nucléarisme tente à anéantir réellement et de manière programmée l'humanité en l'homme et l'homme lui-même, dans la mesure où cette idéologie considère l'humain comme une matière première, voire comme un résidu. Ainsi, il s'agit pour le national-nucléarisme de sceller l'unité inextricable de la soumission et de la protection dans les sociétés industrielles, et de faire de cette unité une nécessité objective, contre laquelle chacun se croit impuissant. Le désastre de Fukushima apporte la preuve criante que la part de soumission gigantesque qu'implique désormais la citoyenneté ne garantit en retour que d'une protection feinte. Il en va désormais des hommes comme des cuves de stockage des eaux contaminées. On connaît leur durée de vie, mais on parie sur une relative élasticité de leur résistance, les uns comme les autres n'étant rien de plus que des ressources à disparition programmables, en attente de remplacement. On voit bien que dans ce principe, population comme travailleurs ne livrent pas une bataille, mais sont livrés à la bataille, tels des mécanismes inanimés. Les hommes deviennent ainsi des atomes sociaux, deviennent du matériel, comme la nature tout entière devient du matériel pour la société. Le recours aux couches les plus refoulées de la population pour alimenter le vivier des 50 000 travailleurs qui ont jusqu'à présent contribué à la gestion des dégâts à Fukushima témoigne de cette adaptation. L'indifférence de l'humanité à la mort, devenue contribution au mouvement de la vie, ainsi qu'à chacun de ses membres, permet d'organiser d'autant plus scientifiquement une destruction-sélection biologique qui est assurée consciemment par la volonté sociale. Le manque d'égard pour l'individu, devenu lui-même un obstacle, facilite le travail d'administration du désastre par les sujets eux-mêmes. À charge, maintenant, au centre de soins pour l'esprit, que l'on a ouvert récemment à Fukushima, de s'occuper du fardeau de l'âme. Toutefois, les administrateurs du désastre ne recommandent pas une liquidation pure et simple de l'humanité. Ils flirtent avec sa déshumanisation. Ils préparent chacun à la mort, socialement utile et devenue elle-même instrument de répression, introduisant ainsi un élément de capitulation et de soumission, et réconcilient les gens avec l'idée que, finalement, mourir avant qu'ils veuillent et qu'ils doivent est désormais non seulement hautement probable, mais fait partie de la marge de la civilisation. Ils aspirent à une humanité mise au pas, prenant sur elle ce que chacun devrait être capable à terme de prendre sur soi. L'individu endurci est ce qu'il y a de meilleur dans une société endurcie. Il s'agit de figer cet homme nouveau, cet homme robuste, dont on attend qu'il soit sous peu apte à vivre en territoire contaminé, moyennant quelques sauts technologiques en matière de remédiation et quelques adaptations socio-psychologiques et génétiques. Tel est l'objectif. Les administrateurs du désastre rêvent en outre, je cite, « d'une médecine qui rendrait les cancers aussi bénins qu'une grippe ». Pour reprendre ici les vœux de Patrick Momal, qui est un économiste à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN en France. Ainsi, le coût de l'accident nucléaire s'effondrerait car l'aversion pour le cancer joue un rôle tout à fait essentiel dans l'ampleur de ce coût, selon ce spécialiste. notamment à cause des effets d'image qui sont très lourds, tels que l'impact sur le tourisme ou sur les exportations agricoles. Plus délicat, le directeur du même institut, Institut d'expertise publique en communication nucléaire, rappelle avec sensibilité combien, je cite, « une catastrophe nucléaire ne se représente pas nécessairement par un nombre de morts, mais par l'abandon de longue durée de territoires auxquels les populations sont attachées, par des valeurs sentimentales, sociologiques et économiques. » Je cite encore, « la perte de territoire étant l'une des caractéristiques les plus insupportables d'un accident nucléaire. » Ainsi, on voit bien que le défi auquel le national-nucléarisme est confronté consiste à rendre le cancer moins violemment antipathique afin d'inverser le sentiment de répulsion à son égard qui incite à se détourner du danger, largement considéré comme imaginaire, de l'énergie nucléaire et de ses avaries. Au fond, dans ce rêve d'un homme achevé, si la mort disparaît, la vie irradiée à moindre coût peut enfin régner en toute sérénité. Dans la prolongation de ce type de considération, on peut se demander pourquoi chercher à empêcher le cancer, puisque l'on finira bien par le vaincre médicalement. Gary Thomas, directrice de la Chernobyl Tissue Bank à Londres, institution financée par une des tentacules de la Nippon Foundation, tranche le débat. Je la cite, « Finalement, le cancer de la thyroïde est facilement soigné, et le Japon a à sa disposition des tests et des options de traitement très efficaces. » Et elle conclut rassurante, citation, « De nos jours, avoir un cancer ne signifie plus mourir. » On voit bien que cette infamie est d'autant plus banale que, de nos jours, aux yeux de certains, mourir ne signifie plus rien. Ainsi, cette idéologie national-nucléariste n'est pas tant le fruit d'un complot du lobby nucléaire, ni le simple égarement du jugement, mais elle constitue tout simplement la fausse conscience, ou la conscience faussée, de son époque. La mise en œuvre de cette idéologie entraîne une calamité aux proportions considérables dans un contexte où l'apathie est la règle. Cette philosophie conjugue une philosophie du néant et une philosophie de l'anéantissement. Et elle achève finalement de faire du progrès une régression, cette régression étant celle de la raison dans l'idéologie, si bien mobilisée pour résister au changement. On attribue ainsi à la nation et au peuple les qualités de volonté et d'autonomie qui n'appartiennent en réalité qu'aux individus. C'est la manière dont le national-nucléarisme fait de l'État un instrument qui est chargé de satisfaire des aspirations propres aux individus et un prolongement de la personnalité de chacun d'entre eux. C'est une forme de collectivisation de la responsabilité qui permet aux administrateurs de continuer comme avant, après chaque désastre, tout en sauvant la totalité organique de la nation. Ce faisant, moins le peuple a de liberté de choix et de responsabilité morale, plus sa responsabilité pratique est immense. On voit bien, à Fukushima encore une fois comme ailleurs, que chacun est sommé de partager la gestion des dégâts, de prendre la mesure, d'agir en citoyen et de payer les réparations, devenant ainsi responsable de choix qu'il ne fait pas ou dont il est privé. Frôlant en outre la folie, tant la charge de cette géométrisation morbide de la vie quotidienne est énorme. Il me semble que rendre compte de cette forme de nationalisation du peuple à laquelle on assiste à Fukushima, mais encore une fois, je pense que cette nationalisation du peuple s'effectue finalement systématiquement lorsqu'il y a une catastrophe, qu'elle soit nucléaire ou pas. Rendre compte donc de cette nationalisation du peuple, nationalisation qui, on le voit, est bien plus efficace que la nationalisation de l'industrie elle-même, lorsqu'il s'agit de réconcilier les gens autour de la soumission, caractériser la situation de confinement éclairé dans laquelle chacun est maintenu à sa place, devenant ainsi l'objet d'une macro-administration par de super-États qui ont des ambitions et des conceptions supérieures pour rendre le monde meilleur, prendre conscience du caractère irrationnel, de l'adaptation docile et assidue à la réalité, irrationalité qui devient plus raisonnable pour l'individu que la raison qui l'anime. Tout ceci n'équivaut pas à être un adversaire de la raison, mais à reconnaître la forme que cette raison a prise dans la société nucléaire. Une forme qui, citoyennement rendue désirable, et brandie au nom de notre propre conservation, nous plonge plus profondément que jamais dans l'expérience vécue de la mise en chose de l'homme et du monde. Mise en chose qui caractérise si bien le progrès dans la morbidité que nous connaissons actuellement. La cogestion. Un élément important de ce qu'on appelle l'après-catastrophe nucléaire, c'est évidemment ce moment que l'on peut qualifier de cogestion. Cogestion des dégâts, cogestion des conséquences de la catastrophe, et cogestion de la catastrophe elle-même. Cette idée de cogestion, elle n'est pas nouvelle dans le contexte de Fukushima. On l'a déjà vu apparaître à chaque fois qu'il y a, à chaque catastrophe nucléaire, et on l'a vu apparaître à Tchernobyl. Elle prend toutefois une ampleur beaucoup plus sophistiquée dans le contexte de Fukushima, et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est que la cogestion, basiquement ? Il s'agit, une fois la catastrophe survenue, pour les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux ou internationaux, de garder les populations au plus près du site de la catastrophe, de manière finalement à limiter le plus possible toute forme de migration massive, et on va dire plus généralement, de manière à limiter toute forme de phénomènes sociaux liés à la catastrophe qui seraient devenus immaîtrisables pour les autorités. Dans ce cadre, il s'agit donc pour les administrateurs du désastre de cogérer les dégâts en mettant en place un dispositif qui permet d'amener les populations à consentir à la contamination. En fait. Et c'est bien ce qui s'opère à Fukushima actuellement. On peut même dire que c'est ce qui s'est opéré tout de suite après les événements, tout de suite après l'accident. Donc cette cogestion n'a pas mis 4 ans, puisque nous sommes maintenant 4 ans après la catastrophe, pour se mettre en place, elle s'est mise en place tout de suite. De manière large, on peut dire que la cogestion s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler le paradigme de l'ordre, et non pas dans celui de la transformation. Il s'agit bien pour les autorités, à travers la mise en participation des populations à leur propre contamination ou décontamination, il s'agit bien de remettre en place l'ordre, de revenir à l'ordre, et non pas de tirer parti d'un moment catastrophique pour transformer éventuellement la société. Il y a au cœur de la cogestion une dimension mythique. Pourquoi ? Parce que il y a un processus d'identification à celui que l'on craint, qui joue fortement en période de mise en place de cogestion. Cette identification est d'autant plus forte que la cogestion tend vers l'autogestion. Autogestion qui est au désastre nucléaire ce que l'autocritique fut au stalinisme, c'est-à-dire une technique d'intériorisation de la culpabilité et ce faisant de la domination. On peut donc avancer que la cogestion est une congestion de la liberté et du refus d'en être privé. Il s'agit de se trouver une cause commune pour éviter de s'affronter à son propre sauvetage par le refus. Et évidemment, les causes communes abondent en temps de catastrophe. Cela peut être tirer parti d'une expérience unique, élaborer la capacité à faire face au prochain désastre, restaurer la communauté, réimpulser une force économique dans le département, faire renaître l'emploi des jeunes, lutter contre la déstabilisation psychologique des enfants, amener chacun à la nécessité de revenir au pays natal, c'est-à-dire finalement créer une forme mythique de la communauté villageoise ou urbaine qui aurait été déchirée par la catastrophe. Bref, en prétendant sauver d'un côté ce que l'on a détruit de l'autre, il s'agit dans le contexte de la cogestion de répéter l'obéissance au pouvoir. Cette notion de cogestion n'attend pas les catastrophes pour trouver sa formulation et ses théoriciens. Je m'explique. Il suffit de lire, par exemple, le plan national de réponse accident nucléaire ou radiologique majeur publié en France en février 2014 pour voir que la cogestion actuellement concrètement mise en place dans le contexte de la catastrophe de Fukushima fait déjà l'objet d'une espèce de doctrine de la part des pouvoirs publics français dans un contexte où la catastrophe nucléaire n'a pas encore eu lieu, mais probablement aura lieu. Je cite ce passage du plan national de réponse accident nucléaire ou radiologique majeur de février 2014. Les professionnels, entreprises et salariés ont un rôle majeur dans la résilience nationale qui est à anticiper en lien avec les services de l'État concernés. Les actions de l'État et des organismes publics et privés ne sauraient suffire à elles seules. Une mobilisation de la population est indispensable. Elle implique une participation à la solidarité familiale et de voisinage, par exemple. L'encouragement au respect des consignes, le refus de propager des rumeurs semblant sans fondement, l'aide aux personnes isolées ou handicapées lors de l'alerte ou pour le transport hors des zones touchées, en cas d'ordre de confinement, l'accueil de personnes cherchant un abri, le signalement des personnes isolées ou handicapées en cas d'évacuation, la participation à l'accueil des personnes déplacées, la poursuite de la participation à l'activité sociale et économique dans le cadre des plans de continuité d'activité. Je pense que si nous cherchions une définition de la cogestion, elle nous est donnée par les pouvoirs publics français. Ainsi, on voit bien à travers cette définition que je viens de lire, tout comme à travers la situation concrète de la cogestion que vivent les Japonais actuellement dans le contexte de l'après-catastrophe, on voit bien que la conservation de l'individu par lui-même présuppose son adaptation aux exigences qui sont requises par la conservation du système et l'abandon de son existence pour un État qui est censé protéger par ses lois n'est plus considéré comme contraire à la conservation de soi. Au contraire, il s'agit du signe d'une rationalisation du sacrifice, celle qui fait de la protection l'archétype de la domination. À ce titre, je voudrais revenir ici sur certains aspects de la cogestion des dégâts dans le contexte de Fukushima et sur sa dimension idéologique, qui ne consiste pas seulement à faire de cette dernière un simple plan universel qui serait imposé à l'individu singulier comme violence extérieure. Tout cela relève désormais d'une méthode qui est dépassée. Il s'agit, dans la cogestion concrète, de travestir cette cogestion en un plan de l'individu lui-même, là où il n'y a en fait aucune libre association des hommes, c'est-à-dire libre de tout effet du pouvoir social qui n'est pas planifié. L'art de la cogestion, c'est de faire croire qu'elle est menée de manière libre par ceux qui la mettent en place. Or, cette cogestion est bien pilotée par les pouvoirs publics. On peut me reprocher dans cette analyse de nier la spontanéité d'un certain nombre de mouvements citoyens dans l'après-catastrophe de Fukushima. Toutefois, on peut aussi pointer le fait que ces mouvements, cette spontanéité citoyenne dans l'après-catastrophe, a été de très courte durée, et que désormais, cette spontanéité citoyenne a bel et bien été rattrapée par la mise en place des dispositifs de cogestion qu'ont piloté les pouvoirs publics sur le terrain. Il y a donc dans la cogestion des dégâts une dimension mythique que j'ai pointée tout à l'heure, dans la mesure où finalement on amène chacun à se soumettre à ceux qu'il n'a pas choisis. Ainsi, dans le contexte de la catastrophe de Fukushima, sont apparues un certain nombre d'initiatives dites citoyennes qui tentent à vouloir finalement venir en aide aux populations et à fournir ce que les pouvoirs publics ont été incapables de fournir. Il ne s'agit pas de critiquer ces actions citoyennes dans la mesure où elles seraient négatives pour les populations, mais il s'agit de rendre compte du fait que la plupart de ces actions citoyennes font l'objet désormais d'une intégration dans un plan plus général, qui est le plan mis en place par les pouvoirs publics, consistant à pousser les populations, finalement, à faire face par elles-mêmes à quelque chose auquel on ne peut pas faire face, à savoir la contamination. Donc il s'agit de rappeler que une des grandes limites des actions citoyennes, c'est qu'elles tendent à responsabiliser celles et ceux qui finalement ne sont pas responsables du désastre, en les poussant à devoir mettre en place par elles-mêmes des protocoles de protection ou des protocoles de contrôle sanitaire face à la contamination, alors que normalement, ces protocoles devraient être mis en place par les pouvoirs publics eux-mêmes. Je vais donner des exemples. Ils abondent, il y a un nombre incroyable de stations de mesures citoyennes qui ont vu le jour dès après la catastrophe. Il y a des associations en tout genre qui se sont montées. L'une d'entre elles, par exemple, s'est appropriée ce nom de Ethos in Fukushima. À l'origine, il s'agit d'une association, en réalité citoyenne, qui a fait après l'objet, on peut le dire, d'une forme de récupération intégrale par la Commission internationale de radioprotection, l'ICRP, qui en fait est venu utiliser cette initiative citoyenne pour créer ce qu'ils ont appelé des dialogues, dans lesquels on a rassemblé des citoyens pour les mettre en débat sur les modalités du vivre avec la contamination. Car il s'agit essentiellement, dans la plupart de ces actions, finalement, d'apprendre à vivre avec la situation, et non pas à vivre contre la situation. Un autre exemple de ce type d'initiative, c'est une association qui s'appelle, en traduction française, l'Association pour la résurrection de Fukushima. On voit bien déjà que dans cette appellation, il y a l'idée que on pourrait faire revivre des communautés humaines à partir de quelque chose qui serait mort. Il s'agit pour cette association de confier à chacun des citoyens de la commune des techniques leur permettant de mesurer la contamination dans laquelle ils vivent, de manière à pouvoir identifier des zones dans lesquelles on pourrait vivre de manière moins pire que là où c'est fortement contaminé. Mais on voit bien qu'il s'agit toujours de s'adapter à la contamination, et non pas de la fuir. Un exemple encore plus frappant de cette autogestion ou cogestion mise en place à Fukushima, c'est le cas d'une association qui s'appelle Safecast. On peut dire qu'il s'agit d'un cas d'école dans le business de l'empowerment qui repose sur la technologie. Je cite comment cette association se définit elle-même. « Safecast est un réseau global de capteurs qui recueille et partage des mesures de radiation afin d'habiliter les gens grâce à des données relatives à leur environnement. » En février 2014, cette association, assez étrangement, s'est retrouvée dans une conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, ce qui est assez étonnant. Le leader de cette association citoyenne définit ses membres comme des, je cite, « des hackers, mais pas ceux qui dévalisent les banques, mais ceux qui sont les moteurs de l'innovation ». On comprend ainsi clairement le cas. Je cite ce leader. Je pense que nous avons modifié avec succès les présupposés qu'avait l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, par rapport à ce que les groupes indépendants comme nous sont capables de faire, et en quoi il est essentiel d'avoir des gens comme nous qui travaillent indépendamment du gouvernement afin de fournir des sources alternatives d'informations. Je suis, dit-il, certain que cela sera reflété dans le rapport officiel de cette conférence et fera même son chemin dans la prochaine révision des directives de réponse au désastre que prépare l'AIEA. Fin de citation. Ainsi, durant cette conférence, face à des experts jugés décidément trop conservateurs, on voit la déléguée norvégienne à l'AIEA qui semble avoir bien compris tout l'intérêt des fameux capteurs citoyens. Et cette déléguée norvégienne de l'AIEA déclare au sujet de la même association Safecast, durant la même conférence, je cite, « Ce sont des gens créatifs et innovants qui développent des solutions efficaces par eux-mêmes. Et en cas d'accident dans votre propre pays, vous serez bien content d'avoir des gens comme eux. En fait, vous devriez même dès maintenant chercher des gens comme eux. » Safecast rapporte que cette déclaration a été suivie d'applaudissements et précise, enthousiaste, je cite, « Le consensus dans la salle a tourné. La Commission internationale de radioprotection nous a proposé de trouver des financements. Le ministère de l'énergie américain veut intégrer nos inputs dans leur nouveau système d'information d'urgence. L'IRSN veut que nous les aidions dans un de leurs projets. La Commission de régulation nucléaire discute avec nous pour voir comment faire au mieux pour intégrer la mesure citoyenne dans leur plan de catastrophe. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents, et irresponsable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafabriquedeloubli.noblog.org. Radio. âme curée. Strahlt Wellen zum Empfangsgerät.